L'histoire nous est à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Jean Daniel, 1920-2020, le commandeur du Nouvel Observateur. Perdu sans secours dans les convulsions du temps, j'ai été soutenu ainsi par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur, parce que cet acte obligé est obligé à ne pas écrire seulement. Il m'obligeait particulièrement à porter, tel que j'étais et selon mes forces, avec tous ceux qui vivaient la même histoire, le malheur et l'espérance que nous partagions. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Il fallait commencer cette émission sur Jean Daniel, décédé hier, par cet extrait du discours pour le Nobel d'Albert Camus en décembre 1957. Albert Camus, c'était son modèle. Albert Camus considérait le journalisme comme une des plus belles professions. C'est par les livres, par la littérature, que Jean Daniel est arrivé à la grande presse. Et puis il avait cette division intérieure qui a caractérisé Albert Camus. Je présente nos invités, Alain Gérard Slama. Bonjour. Ancien du Figaro, une demi-page très sèche dans le Figaro, votre ancien journal aujourd'hui. Et vous avez réussi à trouver un taxi qui ne connaissait pas Jean Daniel, mais qui connaissait... Oui, c'est assez curieux que des séjours d'Orbaisseau. Ben voilà. Bon, voilà. On ne saura pas le lui raconter. Quelle injustice, hélas. Dit Sylvain Courage, rédacteur en chef du Nouvel Observateur. Bonjour. Qui pilote un numéro notre, Jean Daniel, qui va bientôt être en ligne, diffusé aux abonnés et être mis en vente dans les kiosques. J'ai lu dans Libération ce matin que vous célébriez régulièrement le culte. C'est pas votre rôle, hein. Non, ça n'a rien d'officiel. C'est par inclinaison personnelle. On va donner la parole à un cadet. Enfin, il est arrivé au journal après vous, hein. Sylvain Courage. Le cadet, il est devenu un des plus anciens du Nouvel Observateur, mais enfin, Jean Daniel le considérait toujours comme un jeune homme stagiaire, peut-être de 20 ans, j'ai nommé François Reynard. Bonjour. Bonjour Jean, oui c'est vrai, ça, c'est quelque chose de très agréable de fréquenter un centenaire, c'est qu'on a toujours l'impression d'être toujours jeune. Hein. Alors on a parlé de l'audience du vendredi, et vous avez été reçu à Confesse, quand vous avez été embauché, il vous a demandé ce que vous lisiez, le peu que vous saviez. Ben, il faut dire que dans le quotidien. Enfin, moi, donc, je suis rentré au Nouvel Observateur en 1992. Il était déjà plus aux commandes effectives. Il avait déjà un poste de figure tutélaire, mais c'était Laurent Geoffrin qui était le directeur. Mais en tout cas, lui, c'était quelqu'un d'impressionnant, hein. C'est-à-dire que quand on rentrait dans son bureau, on avait un peu peur. On savait pas ce qui pouvait vous tomber dessus. C'était, voilà. Et puis, par ailleurs, ce côté impressionnant, ce côté pontifiant dont tout le monde parle beaucoup, hein. On a beaucoup parlé de son égocentrisme, etc., qui était vrai, mais ça allait de pair avec un côté charmeur. C'est quelqu'un qui adorait charmer. Il adorait charmer les femmes, il adorait charmer les hommes. Et donc, il y avait toujours quelque chose, un mélange d'ironie, qui était à la fois déstabilisant et en même temps très fascinant, je dois dire. Vous étiez un peu charmé, parce qu'il était d'ailleurs assez beau, Jean Daniel. Et c'est un modèle pour vous, en matière de journalisme? Alors, ce qui reste un modèle pour moi, évidemment, chez Jean Daniel, c'est que c'est l'homme du doute. C'est l'homme, il avait cité une fois André Gide, qui était son maître à penser, et qui disait quelque chose du genre suivez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui l'ont trouvé. Hein, c'est très Jean Daniel, c'est très danielien. Toujours, on en parlera dans l'émission, mais les questions israélo-arabes, la guerre d'Algérie avec laquelle il a commencé à travailler, c'est toujours, il y a un côté, mais il faut pas oublier l'autre. Hein, il y a les juifs, mais il y a les arabes. Il y a les arabes, mais il y a les pieds noirs, etc. Et ça, pour moi, ça reste quelque chose qui me hante totalement, et quand je fais des livres, quand j'écris des articles, je pense toujours à cette idée, n'oublie jamais un regard, n'oublie jamais un point de vue. Suivez votre pente, mais en la remontant. Voilà. Ajoutait André Gide. Alors voilà, un homme d'Afrique du Nord en face de vous, c'est Alain Gérard Slama. Il est né à Blida, au pied de la montagne, avec la mer à une quinzaine de kilomètres. Ça vous le rend peut-être familier, Alain Gérard Slama, encore que vous n'avez pas connu, bien sûr, l'épreuve qui a été la sienne en 1940 d'une famille juive. Il réalise qu'il n'est plus français après que les décrets Crémieux ont été abolis par le régime de Pétain. Une de ces figures d'identification, c'est un militant, José Aboulker, qui raconte comment à Alger, dès le début de la guerre, il a commencé à organiser un groupe de jeunes gens réfractaires dont Jean Daniel s'est rapproché. Beaucoup de gens, ne sachant comment se réunir et ne sachant comment se voir sans attirer l'attention, ont pensé que le mieux, ce serait de faire une société de gymnastique. On a trouvé un prête-nom qui était un professeur de culture physique, qui ne demandait pas mieux que d'avoir des élèves et de donner des cours de culture physique. On lui a mis tout ce qu'il fallait en main pour qu'il puisse avoir cette salle, et lui-même ne s'est jamais douté de ce qu'on y faisait. Le résultat, c'est que sous prétexte de culture physique, on se réunissait là-bas. On recrutait des jeunes gens dont on connaissait les sentiments patriotiques, les sentiments gaullistes, comme on disait à l'époque, puisque on écoutait la radio de Londres du mieux qu'on pouvait. Et ce que ça a donné, un embryon. Évidemment, c'était une troupe qui n'était pas très importante. Il devait y avoir à peu près 200 à 250 jeunes gens et jeunes hommes dans cette affaire. Mais c'était très solide et très cohérent, et surtout c'était des gens qui étaient très décidés. Alors parmi ces jeunes gens, Jean Daniel, qui a appuyé à sa manière encore modeste le débarquement des Alliés en novembre 1942 en Afrique du Nord. José Aboulker, qui avait une silhouette d'anarchiste qui allait être fusillé le lendemain matin, même s'il était un peu communiste, disait, Alain Gérard Slama, « Moi, je suis contre les nazis en tant qu'homme, en tant que Français et troisièmement en tant que Juif. » Cette hiérarchie a de l'importance. Oui, elle a de l'importance, mais dans le cas de Jean Daniel, il s'est brouillé avec lui, mais il avait sur ce point, mais en fait, il pensait pas différemment. Autrement dit, les Juifs d'Algérie avaient le régime de Vichy face à eux, à travers évidemment l'épisode d'Alger. La Tunisie, c'était pas la même chose. Vous les Allemands sont passés très peu de temps. L'amiral Esteva, qui représentait Vichy, n'avait pas du tout la même autorité sur la Tunisie. Parce que c'était un protectorat. Autrement dit, les Juifs de Tunisie, ils bénéficiaient du décret Crémieux beaucoup plus, ils en ont bénéficié beaucoup plus longtemps qu'en Algérie. Et d'autre part, ils ont eu beaucoup moins la possibilité de faire état de leur résistance. Pour Daniel, c'était une donnée importante et qu'il a suivi toute sa vie. Albert Bébi vient de publier son journal, qui est exactement contemporain de Jean Daniel. Il vient de publier son journal de la période, justement, tunisienne, où il était très jeune, bien entendu. Il avait énormément de mal à affirmer un quelconque terrain de résistance. La déportation des Juifs n'a pas eu du tout la même proportion que c'était le cas. Donc dans ça le a reste été central pour Maghreb. Lui, cette expérience. Vous parlez d'Albert Bébi. Vous avez assisté à un dialogue entre Bébi et Jean Daniel sur la période qui suit, sur la guerre d'Algérie, dans laquelle Jean Daniel va jouer un rôle de journaliste de premier plan. Jean Daniel, c'était son héritage camusien, il avait quand même le meurtre politique en horreur, et le FLN n'était pas pour lui nécessairement ce Absolument. Qu'il y avait de mieux, mais Mémy lui disait on pouvait pas faire autrement. Il se réclamait Merleau-Ponty, terrorisme et terreur et violence. Alors que Albert Bébi, lui, effectivement, avait dit, ben, ils n'ont pas d'autres armes, d'autres moyens, c'était la dialectique du faible au fort. Or, le plus sage des deux, paradoxalement, ça a été Albert Bébi. Sylvain Courage, la guerre d'Algérie dans l'évolution de Jean Daniel, qui la suivant depuis la Tunisie, justement, est blessé d'ailleurs grièvement en juillet 1961 à Bizerte et reste couché pendant des mois, plâtré depuis l'épaule jusqu'aux pieds. Bah, ça a été son grand début. Il dit qu'il est venu dans la presse et dans le journalisme grâce à la guerre d'Algérie, puisque il démarre sa carrière à l'Express en 54 au moment de la Toussaint et il publie son premier papier sur la guerre d'Algérie. Donc ensuite il devient le chroniqueur de ces événements avec une évolution, c'est vrai, mais vous disiez qu'il ne soutenait pas le FLN, il a fini quand même par préconiser une négociation avec le FLN et c'est là qu'il s'est fâché avec Camus. Donc on voit chez Jean Daniel, à travers l'exemple de la guerre d'Algérie, cette recherche du point d'équilibre. Parce qu'il a compris aussi assez rapidement que l'indépendance était inéluctable et il s'est fait haïr par les pieds noirs. Il était vraiment menacé, l'Express était interdit. Donc il a fait à la fois la preuve de la justesse de ses jugements politiques et de son courage. L'Express. Pardon, je rappelle François une Manart. Petite chose. Il y a une biographie qui est très bonne de Corinne Renoux-Nativelle, une journaliste qui a écrit une biographie de Jean Daniel. Elle raconte dedans un épisode qui est pendant la guerre d'Algérie, à ce moment-là, comme on parle de Sylvain, quand on prend un taxi et qu'on va de l'aéroport à la ville d'Alger, on passe devant un mur et sur le mur, il était marqué mort à Jean Daniel. Hein, ça veut dire déjà sa puissance de journaliste et le courage qui y allait parce que lui, il y retournait. Et ça se termine par la blessure physique, Oui, mais moi, je vais faire appel au témoignage de François Mauriac, toujours méchant, qui était du même camp, à peu près, pendant la guerre d'Algérie, qui, une fois la guerre d'Algérie terminée, se tourne vers Jean Daniel. Alors, Jean Daniel, ça vous manque, la guerre d'Algérie, parce que la presse, qui avait joué un rôle à gauche, se trouvait privée d'un combat et de beaucoup de lecteurs. C'était le cas notamment de France Observateur, que Jean Daniel va récupérer en créant le Nouvel Observateur. Soustelle appelait les quatre grands de la trahison, c'était Le Monde, Témoignage Chrétien, L'Express et France Observateur. Maintenant, c'est un titre de gloire, France Observateur, que lorsque j'étais à L'Express, j'admirais beaucoup, personnellement. J'admirais la rigueur, l'austérité, l'engagement. J'en déplorais parfois le manque de volonté de se faire lire. Il y avait une équipe d'amis, plein de talents, des grands universitaires qui avaient davantage l'idée de s'affirmer que de se faire entendre. Nous avions un tirage incomparablement inférieur à celui que devait avoir très vite le Nouvel Observateur. Eh bien, nous avions à un moment donné monté à 100 000, mais nous étions descendus à 30 000 de vente, et même un peu moins, après la fin de la guerre d'Algérie. Et L'Express avait perdu également, on ne se rend pas compte à quel point la guerre d'Algérie, la fin de la guerre d'Algérie a été suivie par une période... Alors Jean Daniel est devenu le directeur de la rédaction de l'Observateur, en quelle année ? En 64. En 64. Du Nouvel Observateur. Un nouveau journal, oui. Et alors, vous avez cette phrase étonnante, vous vous rendez hommage à Jean Daniel, qui est votre successeur. Et puis, vous dites, je ne regrette donc rien. Mais quand il m'arrive de regarder les numéros du vieil Observateur, je ne puis m'empêcher de penser, quel sacré bon journal. C'était Gilles Martinet, grand animateur de France Observateur, qui donc se retrouve absorbé, siphonné, je ne sais comment dire, quand est créé le Nouvel Observateur, dirigé par Jean Daniel, qui a quitté L'Express. Alors comment dire, L'Express devient News Magazine. Et puis, Jean Daniel, il a quand même gardé la leçon de L'Express, il veut de l'efficacité, il ne s'agit pas seulement de s'affirmer, mais de se faire entendre, Sylvain Courage. Il veut de l'efficacité, il s'est associé avec Claude Perdriel, qui est un industriel et qui, lui, vient renflouer aussi France Observateur, qui est vraiment aux abois financièrement. Et donc, effectivement, ils veulent reconquérir un lectorat. C'est toute l'aventure du Nouvel Observateur et un peu l'ambiguïté et les rapports difficiles qu'ils ont avec la vieille équipe de France Observateur. Il faut trouver un relais après la guerre d'Algérie et donc le Nouvel Obs va trouver de nouveaux sujets de société et surtout l'alternance, l'arrivée de la gauche au pouvoir. Un mot de Claude Perdriel, parce que Jean Daniel le décrit, il est un peu snobservateur, vous savez, Jean Daniel, il le décrit comme un jeune industriel, amateur de mécanique sophistiquée, qui roule en Jaguar, mais en fait il dirige une société de lavabo et de bidet, non ? Il a été d'assainissement. C'est un ingénieur qui a inventé le sani broyeur et qui était un esprit très fertile, mais qui était dans un secteur d'activité peu visible ou peu dont on pouvait pas tellement se vanter. Et c'est vrai qu'en même temps, Claude Perdriel était intéressé par les lettres. Il avait créé une petite revue et il admirait ce milieu des lettres. Et il est tombé en pamoison devant Jean Daniel. Et Jean Daniel a été bien inspiré de s'associer avec Perdriel, qui lui a quand même donné les moyens de ses ambitions. Et de devenir l'arbitre des élégances intellectuelles. Alors, c'est inouï, Alain Gérard Slama, le nombre d'intellectuels qui cherchent à écrire dans le Nouvel Observateur. Il y a des exceptions. Est-ce que, je ne sais pas moi, Claude Lévi-Strauss écrivait dans le Nouvel Observateur ? Oui. Oui, oui, oui, oui. En tout cas, j'ai lu une interview à l'entretien de Claude Lévi-Strauss dans le Nouvel Observateur. Alors, qui n'écrivait pas dans le Nouvel Observateur ? Bourdieu ? Jeune ? Bourdieu, pas trop. Non, il y avait disons, les intellectuels reliés vraiment au PC ou qui étaient dans cette critique sociale écrivaient peu à l'Obs. La ligne dès les années 60, dès le départ, hein, c'est par rapport à France Observateur, faire un journal qui soit plus sexy en quelque sorte. Donc il y a le côté magazine, etc., qui existe tout de suite. Et puis il y a aussi, surtout, évidemment, d'être la citadelle de la gauche non communiste. Donc je pense que les communistes n'écrivaient pas dans le Nouvel Observateur et les gens de droite écrivaient moins dans le Nouvel Observateur. C'était les intellectuels de gauche non communistes. C'était ça. D'ailleurs, il avait maille à partir avec le Parti communiste qui haïssait Jean Daniel dans les années 60 et 70. Alors aussi bien Jean-Paul Sartre qui ne frayait plus avec les communistes et qui est à la une du premier numéro, François Furet, Michel Foucault, Roland Barthes. Il y avait les intellectuels maison, si vous voulez, au Nouvel Observateur, il faut bien le reconnaître. Oui. Furet, Nora, etc. Julliard, bien entendu, et c'était un peu dissuasif pour les autres, il faut bien le reconnaître. Les amis de l'Obs, disait Jean Daniel. Et vous oubliez tous Maurice Clavel, qui était le seul à pouvoir téléphoner à 2h du matin à Jean Daniel pour lui dire « Tiens, j'ai écrit un chapitre sur Kant, tu veux que je te le lise ?» Oui. Bah, c'est-à-dire qu'il y avait, un côté, tout à l'heure vous parliez de Claude Perdriel avec son côté, les Jaguars, etc. Il y a, là-dedans, il y a aussi un côté bande qui fait un peu rêver, hein. Faut dire que quand on est journaliste aujourd'hui, on est tous dans des journaux, la presse est en difficulté, c'est compliqué, etc. Là, il y a un côté, les temps heureux quand même, hein. Il y a un côté, le Nouvel Observateur était le champion de l'arbitre des élégances, comme vous l'avez dit. Et puis par ailleurs, tous ces gens-là, c'était aussi des copains qui étaient ensemble, etc. Tous les gens qui vont devenir puissants en Europe viennent au Nouvel Observateur. Enfin, il y a Felipe González, il vient de présenter l'ancien Premier ministre espagnol, ses condoléances là. C'était un jeune homme qui était là-dedans, mais qui était un stagiaire transi. Le mec, il devient Premier ministre d'Espagne. Il y avait, quand toute l'Amérique latine, au moment des affaires des dictatures américaines avec les réfugiés, tout le monde venait à Paris et tout le monde venait chez Jean Daniel qui recevait tout le monde. Qui recevait tout le monde. il aimait bien être l'hôte, à tous les sens du terme, de gens qui comptent, notamment de gens qui avaient compté dans les luttes pour l'indépendance ou dans les combats du tiers-monde en général et qui ensuite étaient aux premières loges. Bourguiba, Senghor, il a dû vous parler, Sylvain Courage, de beaucoup de ses entrevues avec les grands. Oui, il entretenait des relations privilégiées et il se voyait un peu parfois comme un conseiller du prince ou des princes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui lui a été reproché. Alors Jean Daniel, lui, pensait qu'il fallait être proche des gouvernants pour peser aussi. Il était favorable à ce genre de compromis. Alors ça donnait ceci, dans une heure de vérité fameuse en 1989 face au roi Hassan II du Maroc. Majesté, il y a des gens qui vous aiment, qui vous respectent, qui savent reconnaître le rôle que vous jouez comme interlocuteur de tout ce qu'il y a comme force de paix dans le monde. Et qui disent tout de même qu'ils espèrent votre clémence sur un certain nombre de problèmes. On espère le retour de certains enfants, le retour de certains prisonniers, que pour ma part j'attends, comme vous savez, à chacun de nos entretiens. Et soyez assurés que moi, je suis d'abord profondément, je suis un homme bon, foncièrement. Les choses mûrissent, laissons-les mûrir. Espérons. Moi, Majesté, je n'ai pas prononcé de nom. Est-ce que vous me donnez un espoir? En fait, il ne faut pas toujours vous prévaloir de notre amitié pour aller plus loin qu'il ne faut. Mon ami, dès qu'on a su que vous disiez m'honorer de mon amitié, je me suis senti beaucoup plus de devoir. Et d'ailleurs, ils sont tous venus chez moi, vous mécontents. Ah bon? Eh bien, oui. Il va falloir que je vous mette sous écoute dans ce cas-là. Oui. Sans Don Daniel, nous en reparlerons, mais si j'aurais pu vous dire, monsieur Jean Daniel, ne parlons pas de ce problème. Nous en parlerons et... J'en ai peu parlé. Comment ? J'en ai peu parlé. C'est suffisant, je pense. Ce qui est insupportable, Alain Gérard Slama, c'est les rires des courtisans dans le studio. La vassalité courbée, disait Jean Daniel. Parce que tout ça, c'est dit au moment où, depuis des lustres, des prisonniers croupissent dans des geôles épouvantables au Maroc. Je suppose qu'il tenait le même discours à Bourguiba. J'espère qu'il tenait le même discours à Fidel Castro. Il était quand même fasciné par le pouvoir. Ça, c'est un fait dont un témoigné notamment à Tali, certains jours, où Daniel, on lui a fait une blague, on lui a dit « Ah, le président vous demande, il était en dialogue avec Kohl ». Et Daniel est entré dans la pièce où se trouvaient Mitterrand et Kohl, qui ont dû très très précipitamment se montrer poli et l'accueillir, alors qu'il ne l'attendait pas du tout. Mais s'il frayait avec Hassan II, il n'avait pas toujours, Sylvain Courage, frayé avec Hassan II, c'est qu'il attendait d'Hassan II un rôle de médiation. Oui, alors il avait organisé en 70 ce rendez-vous entre Hassan II et le représentant du Congrès juif mondial, et qui a été quand même une initiative extraordinaire pour essayer de rapprocher les points de vue. Et on voit bien que c'est le rôle qu'il essaye de jouer. Alors ça fait sourire, parce que les majestés peuvent laisser croire qu'il était vraiment dans le rôle du courtier, mais il porte quand même le sujet sur le devant de la scène. Alors c'est très insuffisant, mais c'est quand même quelque chose, il lui pose la question. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est ça, parce qu'il avait cette idée que, effectivement, c'est clair, hein, il était fasciné par le pouvoir, mais il avait aussi l'idée qu'il faut s'approcher du pouvoir pour essayer de conseiller le prince dans le bon sens et aussi d'aider les gens. Il était effectivement pas obligé de poser cette question-là. Et puis, effectivement, là, Jean-Niel, son grand âge a fait qu'il a connu tous ces gens-là jeunes. C'est-à-dire qu'il était déjà un journaliste confirmé quand Hassan II arrive au pouvoir, hein. Et donc, il y a l'idée, ben, c'est les petits jeunes que je vais continuer à conseiller, à aiguiller, etc. Hassan II, il appréciait son rôle de médiation dans le conflit israélo-palestinien, son intérêt pour le monde juif. 1977, mon Dieu, c'est très vieux cette archive. Sadat à Jérusalem, devant le Parlement. Ah. Bismillah. Que le salut de Dieu soit sur les Arabes et sur la terre d'Israël. Après une longue réflexion, j'ai décidé de m'adresser aux 120 membres de la Knesset souveraine d'Israël et de vous laisser par la suite le soin de décider ce que vous voulez faire. J'ai décidé de venir à vous avec un esprit et un cœur ouvert et vous proposer la paix, celle d'Abraham. Pour moi, ce qui est insupportable, c'est Jérusalem. Alors voilà, une ville sainte, pour tout le monde sainte. Qu'est-ce que ça veut dire la sainteté d'une ville? C'est une ville d'où devrait rayonner la fraternité, une ville phare. C'est aussi une ville où il ne devrait pas y avoir d'idoles. Les peuples du monothéisme sont héritiers de l'injonction de Dieu à Abraham de briser les idoles, de partir de chez lui, d'abandonner tout, et surtout de ne pas considérer que quelque chose qui n'est pas spirituel puisse être sacré. Et à Jérusalem, Alain Gérard Slama, il n'y a plus que des idoles politiques. Et qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est prendre la partie pour le tout. Oui, mais je pense que c'est un raisonnement très fort et très juste, évidemment. Et il était partisan d'un statut singulier pour Jérusalem, ça allait de soi. Et il avait très souvent raison. Le problème, c'est qu'il y avait un contraste entre son attitude et son discours, assez solennel, assez d'autorité, dégageant une autorité, alors qu'il faut lui reconnaître qu'il se prenait ni pour un grand intellectuel, ni pour un chef d'État. C'est qu'il y a une certaine force. Il a incarné un certain idéal du journalisme, il faut bien le reconnaître. Mais sa réflexion ne minorait pas sa pensée sur le judaïsme. L'incroyance des juifs n'est qu'une illusion, parce qu'ils vivent comme s'ils croyaient. Et même un Ben Gourion, qui lui est arrivé de fréquenter, il ne croyait pas au créateur, mais il croyait à l'interprétation du livre. Oui, mais bon, là, il distingue entre le religieux et le sacré. Il n'est pas religieux et il reconnaît qu'il y a quelque chose de sacré. Moi, c'est ainsi que je l'interpréterai. En tout cas, on peut rappeler aussi une chose très simple par rapport à Israël. Ça, dès que, je crois que son premier voyage en Israël, c'est dans les années 50. Il dit, moi, je suis un juif d'Algérie, etc. J'ai été bouleversé par ce que je vois en Israël. Et il y a une fierté qu'on doit tous comprendre par rapport à ça. Quand on est juif, la fierté de dire, mais il dit, il faut penser aux autres. Il faut penser qu'il y a des gens qui ont droit à cette terre aussi. Et ça, c'est sa pensée constante. Il l'a dans les années 50. Une des dernières fois où j'ai un peu parlé de politique avec lui, c'était au moment où Trump a déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem, enfin annoncé qu'il allait le faire, il était fou furieux, Jean-Daniel. Et à l'inverse, si je puis dire, au moment des accords d'Oslo, il était bouleversé, il pleurait, il disait ça y est, on va y arriver, enfin ils vont vivre ensemble. Son rêve, c'était qu'il y ait un État palestinien et un État juif côte à côte, et qu'ensuite la guerre arrête et que ces deux-là fusionnent. Moi, je trouve ça merveilleux, et je trouve que c'est une boussole qui doit nous rester, cette chose-là. Il n'y a plus grand monde qui la tient, cette boussole-là. Temps très lointain, cette archive va nous paraître venir d'une autre époque. Nous sommes au moment de l'investiture de François Mitterrand, le 26 mai 1981 à l'Élysée. On va présenter maintenant, je pense probablement à François Mitterrand, les invités qui sont présents ici dans cette salle des fêtes. Non, je voulais signaler que la dame aux cheveux blancs que vous avez vue tout à l'heure s'appelle Nicole Questiot et qu'on parle également beaucoup d'elle pour le gouvernement. Malheureusement, on ne la voit plus sur l'écran. Voilà, je suis tout à fait à droite. Là. Maintenant, un dialogue avec Pierre Mendès France. Pierre Mendès France qui était très ému tout à l'heure. François Mitterrand s'attarde un peu avec lui. Il lui a donné la collade en lui disant « Indépendamment des membres de ma famille et de mes amis personnels, vous êtes la personne dont la présence ici me touche le plus. Vous avez été l'initiateur de ce changement. C'est aussi votre œuvre. » Tout à l'heure, j'ai posé à Jacques Julliard, qui a joué un rôle crucial, lui aussi, au Nouvel Observateur, la question suivante. L'admiration que Jean Daniel portait à Pierre Mendès France, est-ce qu'elle a limité l'attachement qu'il avait pour François Mitterrand? Je pense que non. En réalité, Jean Daniel n'était pas une tête politique au sens habituel du terme. Il coexistait en lui plusieurs sensibilités. Naturellement, il était de gauche, d'une gauche non communiste, comme on disait à l'époque, parce que le communisme était quand même l'autre grand môle de la gauche à l'époque, mais à l'intérieur donc d'une sensibilité de gauche, en général et deuxième gauche plus particulièrement, ce qui l'intéressait c'était la psychologie des hommes. De ce point de vue-là, on peut le comparer un peu à Mauriac. Mauriac était comme ça, quand on lit ou qu'on relit son bloc-notes, qui est toujours à conseiller aux jeunes journalistes, eh bien on retrouve ça. Au-delà des idées, ce qui l'intéresse, c'est un homme en proie à son destin, en proie à son peuple, en proie à l'histoire, quoi. Avec Mendès France, on ne pouvait pas parler d'art, on ne pouvait pas parler d'un livre, ni d'un écrivain. Oui, c'est tout à fait vrai. Ce qui a manqué à Mendès France, c'est une certaine culture littéraire. Or, en France, comme dit quelque part Romain Gary, pour être président de la République, il faut aussi être Victor Hugo. Et ça, Mitterrand l'avait compris, naturellement De Gaulle l'avait compris, et Mendès France en était incapable. J'ajouterais qu'Emmanuel Macron, pas davantage. Alors bon, même Macron, Sylvain Courage, vous avez été le missi dominici des nouvelles directions du Nouvel Observateur. Vous faisiez le lien avec Jean Daniel retiré à demi sur son Aventin. Il vous a appris à détester l'époque d'aujourd'hui? Non, mais c'est vrai que on voyait cet homme qui avait connu tous les chefs d'État, tous les événements historiques qu'on vient d'évoquer, et qui voyait ce temps-là s'éloigner, dont les relations avec le journal se distendaient, et même qui se détachait lui-même de son propre personnage. Donc c'était très touchant de le rencontrer ces dernières années, parce que il était parfois étonné de ce qui lui était arrivé, de vivre aussi longtemps, et donc il avait retrouvé une modestie que peut-être qui peut surprendre parce qu'il a souvent été immodeste, mais il était capable vraiment de modestie et d'une véritable chaleur. Moi, j'ai beaucoup apprécié son contact ces dernières années. À la Jarse, là-bas. Oui, effectivement, je me suis trouvé un jour, je peux le raconter, à ses pieds, parce que j'étais dans un salon, pour tout dire, chez Milan Kundera, et il était dans un fauteuil, et moi je n'avais de place qu'au sol, à côté de lui, et il avait trouvé ça tout naturel. Oui, mais vous voyez que ça a changé. Vous étiez à ses pieds. J'aurais bien... C'est vous qui l'avez dit. Il aimait son rôle de patriarche, mais c'est... Accepter, si on accepte ce rôle-là, c'était pas désagréable non plus d'être dans le rôle de celui qui écoute le patriarche, parce qu'il racontait bien. Surtout quand le patriarche était en propre discussion avec lui-même, et il aimait se regarder en discussion avec lui-même. Je laisserai le mot de la fin à Mona Ouzouf, qui m'a dit, il m'avait demandé de faire un discours qui devait être à sa gloire, alors je me suis levé, et puis j'ai disserté là-dessus, c'était la modération en même temps que l'enthousiasme. Vous avez cité le livre de Renaud Nativel, c'est aux éditions du Rocher, sur notre site, les livres de Jean Daniel, et puis bientôt le supplément Notre Jean Daniel, capiloté Sylvain Courage, ici présent. Cher Fabrice Drouel, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Hier, je vous ai parlé de Léon Blum et de son procès à Rion. Aujourd'hui, je vais vous parler de Léon Blum pour le procès de Pétain et notamment pour la déposition de Léon Blum lors du procès du maréchal Pétain. Je pense que Jean Daniel aurait apprécié qu'il y ait deux émissions sur Léon Blum. Il travaillait pour le gouvernement à ce moment-là, Jean Daniel. Il petit bref conseiller d'un président du Conseil. Oui, mais enfin, qu'il n'était pas... Félix Gouin, il adorait Léon Blum, par ailleurs. Qu'il n'était pas... Oui, c'était le premier président du Conseil qu'il a connu, c'était pas Léon Blum. Non, mais Léon Blum est revenu un petit brièvement au pouvoir, la guerre. Bon, allez, on a fait un saut d'érudition, c'est bien. On peut faire passer la publicité. Je ne suis pas du tout un instrument de mesure, hein, pour ça.